coin perdu sur la falaise. Une maison qui n'attend plus que nous. Un doux cocon pour s'y aimer à l'aise. Mes doigts qui rêvent dans tes cheveux fous. Des goélands qui nagent dans la brise. Sur l'océan, notre terre promise, notre terre promise. Fini de s'essouffler pour des fadaises, pour des lubies qui font dormir debout. Ils pourront toujours nous chercher partout. Nous serons loin, cœur perdu dans la brise, main dans la main, vers la terre promise, notre terre promise. Ses compagnons de solitude, passagers des voyages fous, chiens perdus en pays de nuit. Chiens perdus en pays de nuit. Nous avons choisi de marcher, guidés par nos cœurs à antennes. Nous avons choisi de miser nos avenirs sur un je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je n'en sais pas plus long que toi sur les manières de grandir, de s'ouvrir à tous les soleils pour se désempoussiérer l'âme. Pour se désempoussiérer l'âme. Au fond de tes yeux, je devine mille magies, mille impossibles possibles. J'y vois mes ailes pour voler, pour voler. Ce petit coin perdu en bord de mer. Dans la Bretagne floue du cœur de nous, cette maison qui dort dans la lumière de tout temps, notre ultime rendez-vous. Il était temps qu'on vive à notre guise, qu'on trouve enfin notre terre promise. Notre terre promise. Notre terre.